Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, la quotidienne de 18h à 19h sur Radio Guémozo 107 FM. Et ce soir, mercredi 2 juin, on va parler d'une fête qui aura lieu ce week-end, hein, organisée par l'association Ballast. Il s'agit de la fête du vélo et j'ai de l'association Ballast, Michel avec moi. Bonsoir Michel. Bonsoir Lou. Alors, bon, Michel. Merci de nous inviter à l'heure des loups. De rien, c'est un plaisir de t'avoir. Bon, après tout, hein, à Radio Guémozo, tout le monde te connaît vu que tu fais La Parole est à vous le mardi soir. Et ça fait très longtemps que tu es là. Hein. Tu fais aussi les chroniques matinales du jeudi et tu fais plein d'autres choses. Hein. Tu es aussi à ADEMAT et tu es dans plein d'associations. Mais c'est vrai que l'association que tu représentes ce soir, c'est Ballast. Alors avant toute chose, qu'on place à nouveau le contexte, est-ce que tu peux peut-être nous redire aux auditeurs et à moi ce qu'est l'association Ballast ? Voilà, ben, merci Lou. Je suis très impressionné d'être de l'autre côté du micro pour une fois. C'est-à-dire qu'on m'a invité à l'heure des loups. Voilà, alors l'association Ballast est née d'une volonté, ça fait déjà plus de 30 ans maintenant, d'une volonté de quelques amis qui s'est transformée en volonté populaire de transformer l'empreinte ferroviaire hein, qui avait été abandonnée en 1989. On était aussi des militants pour le rail. Malheureusement, le rail a été supprimé dans la vallée de la Moselotte. Et à ce moment-là, s'est créée l'association Ballast. Donc, ça avait pour but de transformer le parcours du chemin de fer en voie verte. Hein, ça aurait été dommage que cette empreinte, cette emprise plutôt, soit négligée, soit abandonnée ou simplement morcelée entre différents promoteurs. Voilà, donc on a, après bien des années de lutte, on a obtenu effectivement l'élaboration de cette voie verte que tout le monde connaît, hein, qui était complétée par la voie verte, par l'emprise sur la vallée de la Haute-Moselle en particulier. Hein, donc une voie verte qui couvre les deux vallées, Moselotte-Moselle maintenant. Hein, et donc pour nous c'était quand même une grande satisfaction que le président du conseil général de l'époque, M. Poncet, donc, ait pris la décision d'acheter l'emprise ferroviaire et puis de la transformer en voie verte. Et puis de demander bien sûr aux communes qui étaient sur le parcours de cette voie verte de constituer un CIVU, un syndicat à vocation unique, intercommunal à vocation unique, pour, bien sûr, exploiter en quelque sorte cette voie verte, hein, la gérer au jour le jour, hein, étant entendu que le conseil général conservait, qui est devenu conseil départemental depuis, conservait la propriété de ce parcours de la voie verte. Voilà, en gros, alors donc, après, bien sûr, quand on a obtenu la voie verte, il s'est posé le problème des statuts, hein, parce que les statuts du départ, c'était demander effectivement cette voie verte. Hein. Une fois que nous avons été satisfaits, puisque cette voie verte a été créée, c'était d'être une association capable d'animer la voie verte, mais aussi de défendre les usagers de la voie verte. hein, éventuellement de faire des critiques constructives sur les installations de la voie verte, des propositions, etc. Hein, je reviendrai peut-être un peu plus tard parce qu'on a bien sûr tout un panel de propositions au pouvoir public aujourd'hui, au département, puisque c'est le département qui a la maîtrise de la voie verte avec le CIVU, donc pour véritablement améliorer, qu'elle soit plus accueillante, qu'elle soit aussi, qu'il y ait une vocation touristique supplémentaire. Bon, on en reparlera, je pense, au cours de cette journée. Ah, c'est certain. Voilà, ça te satisfait un peu? Rappeler un peu l'histoire, les anciens combattants de la voie verte? Oui, en effet, mais dis-moi, tu as dit l'association existe depuis 30 ans. Toi, ça fait 30 ans que tu es à l'association Ballast? Je suis depuis le début. J'étais simplement membre du conseil d'administration. J'étais un moment président, deux ans, parce qu'il y avait une carence. Hein. Je dois dire que je n'ai pas été un président très actif. Hein. Heureusement que j'avais autour de moi une équipe, parce que c'est vrai que Ballast a des tas d'activités, hein, que je pourrais décrire. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est un gros travail d'être animateur, président animateur de Ballast. Voilà, donc, et puis maintenant, je suis juste vice-président et Marie-Yvonne Hans, la présidente, fait un travail énorme, hein, qu'il faut saluer pour que, justement, cette association Ballast continue à vivre. Parce que nombre des membres du conseil d'administration ont vieilli, bien entendu. On était tout jeunes, hein, au départ. Maintenant, on a pris un coup de vieux et puis on voudrait aussi un renouvellement de l'association. Comme beaucoup d'associations, malheureusement, on n'a encore pas au renouvellement intégral du conseil d'administration, comme beaucoup d'associations d'ailleurs. Hein. On compte beaucoup sur les retraités parce que, disons, du temps libre, paraît-il, mais arrive un moment donné où les retraités n'ont plus de jours fériés, plus de dimanches, plus de vacances. Voilà. En effet, tu l'as dit, ton association a aussi besoin de jeunes, mais même toutes les associations, je pense, ont besoin de jeunes. Mais tu m'as dit, Ballast est une association très active qui organise beaucoup de choses et je pense qu'on peut avoir le temps de décrire un petit peu les différentes activités que Ballast organise. Alors, il y a une activité qui est permanente pendant la belle saison. C'est effectivement avec des vélos calèches. On les a baptisés vélos calèches, hein, qui sont pilotés, entraînés par des militants bénévoles de Ballast, hein, où on fait appel aussi à des personnes qui semblent appartenir à l'association, nous donner un coup de main, pour promener sur la voie verte, en partenariat bien sûr avec des maisons de retraite, des EHPAD du coin, hein, comme Cornimont par exemple, pour citer cet EHPAD, hein, cet établissement de personnes âgées. Hein, pour justement que ces personnes âgées puissent bénéficier de transport sur la voie verte en vélo calèche. Hein, donc ça c'est permanent pendant la belle saison sur convention qui est passée entre Ballast et puis des établissements. Mais aussi des personnes handicapées, il y a eu aussi des établissements un peu partout. Et puis Ballast bien sûr a participé souvent à des fêtes du vélo en amenant justement nos vélos calèches pour démontrer que les voies vertes, c'est intéressant et ça peut permettre des activités comme ça qui sont à la fois utiles socialement et puis ludiques. Oui, donc ça, c'est pour les personnes du troisième âge. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Troisième âge, les personnes handicapées. On a... Voilà, c'est des occupations. C'est des activités quand même qui sont, je pense, gratifiantes pour notre association parce qu'on est heureux d'accueillir des personnes du troisième âge ou des personnes handicapées qui ne seraient pas elles-mêmes pour découvrir la voie verte, bien sûr, et puis aussi passer du bon temps. Donc ça, c'est pour le vélo calèche. Et est-ce qu'il y a d'autres activités organisées par l'association Ballast tout au long de l'année ? Alors, tout au long de l'année, oui. C'est-à-dire qu'on a un peu restreint nos activités parce que, bien sûr, Il y a des moyens financiers quelquefois qui nous manquent, comme beaucoup d'associations d'ailleurs, hein, parce que les subventions sont de plus en plus rares, de moins en moins élevées, et donc à partir de ce moment-là, il nous fallait trouver des sources de financement. Et depuis plusieurs années, nous avons donc un partenariat avec le Parc des Ballons pour différentes actions. Alors, il y a eu d'abord la découverte du patrimoine, c'était il y a 3 ans, si mes souvenirs étaient exacts. Donc, on a parcouru les deux vallées hein, pour découvrir le patrimoine, j'allais dire, le patrimoine de nos vallées sous des formes aussi bien gastronomiques que le patrimoine tout clair, tout simple. Hein. C'était donc un parcours assez important sur la vallée de la Moselle, puisque ça démarrait déjà à Vecoux et ça se terminait à Bussan. Donc avec visite, mais c'était surtout le patrimoine, je cherchais le nom tout à l'heure, patrimoine naturel de notre région, pour faire découvrir à des jeunes adolescents, hein, qui étaient des classes de 3e, 4e, au collège. Alors c'était surtout des Kounais. On connaît Saussuron, hein, pour qu'ils puissent découvrir. Alors, c'était primé par le Parc des Ballons. L'année suivante, nous avons eu une activité comme ça qui était aussi primée par le Parc des Ballons, Vélo Fourchette. Et là, c'était la découverte du patrimoine culturel, gastronomique, culturel aussi en quelque sorte, mais gastronomique du secteur. Ça nous a permis de visiter aussi bien des fermes, des élevages de truites, des mielleries, la ferme aux herbes à Sapois, faire des repas végétariens. Enfin, il y a eu énormément d'activités au cours de 4 jours. Et puis un repas pris en commun qui a été en grande partie fabriqué avec l'aide de Nadège, mais aussi avec les jeunes qui avaient découvert un peu ce patrimoine gourmand, qui avaient acheté des produits sur différents sites. Hein, ça allait aussi bien du fromage de chèvre en passant par des légumes, etc. Du fromage, bien évidemment, hein, c'est quand même des spécialités locales, pour ne citer que ces spécialités-là. Et nous avons donc, pendant 4 jours parcouru pour terminer au centre de tir, au local du centre de tir à Solsur, que la commune nous avait prêté, enfin loué plutôt, donc par une soirée gastronomique avec les différentes personnalités, et puis bien sûr les responsables du parc régional des Ballons des Vosges. Voilà, alors cette année à nouveau, parce que là nous avions la possibilité de renouveler l'expérience Vélo Fourche et Fourchette, et puis le conseil d'administration a choisi, toujours dans le cadre du Parc des Ballons comme partenaire essentiel, partenaire financier surtout, hein, parce qu'il est bien évident que pour assurer ce type de prestation à une douzaine de jeunes, il faut quand même des moyens financiers assez importants. Le Parc des Ballons s'est révélé non seulement le partenaire principal, mais aussi partenaire financier, bien sûr, pour ce type d'activité. Puisque c'est eux-mêmes qui nous primaient, en quelque sorte, qui avaient sélectionné donc, notre programme. Alors, cette année, finalement, je disais donc, on a abandonné la possibilité de faire une deuxième année. Une deuxième activité, Vélo Fourche et Fourchette. Et nous sommes orientés, c'était le CA majoritairement a dit on ne peut pas faire deux actions avec le Parc des Ballons. On va demander simplement à participer au partage des savoir-faire. Donc le Parc des Ballons lançait un concours vers les associations, les municipalités, etc. Sur le thème « Partageons nos savoir-faire ». Or, ça pouvait être simplement les savoir-faire qui existent dans nos vallées, dans notre territoire, hein, de toutes les sortes possibles. Et là, c'était l'occasion pour Ballast de parler de son atelier vélo. Parce que ce qu'il faut dire aussi, je l'ai gardé un peu pour la fin, parmi les nombreuses activités que nous avons, il y a des activités, bien sûr, ludiques, il y a des activités de... Hein, on a fait souvent aussi... Des, des parcours sur la voie verte à vélo, bien sûr, hein, parce que c'était quand même... Il y a aussi la promotion des déplacements doux, même en dehors de la voie verte, qui était fait par Ballast. Donc ça s'inscrivait bien dans notre philosophie, dans nos buts de promouvoir justement le vélo. Alors, promouvoir le vélo sous différentes formes, mais surtout sur le fait qu'on était recycleur de vélo dans notre atelier vélo de Cornimont. L'atelier vélo a été mis en place grâce au concours de la ville de Cornimont, dans des vieux locaux qui se trouvent véritablement un peu isolés, tout à fait derrière l'entreprise Foinan, c'est pour ceux qui connaissent Cornimont, c'est dans les ateliers municipaux. Et donc là, on dispose d'un local qui n'est jamais suffisant pour contenir tous les vélos qu'on récupère. Aujourd'hui, on récupère des vélos par différents réseaux, la ferme de l'Abri en particulier, mais aussi dans les déchetteries de Saulsure et déchetteries du syndicat. Et donc l'atelier vélo a pour but de remettre en état ces vélos-là, et puis en même temps d'être un atelier participatif, c'est-à-dire que les gens peuvent venir réparer leur vélo eux-mêmes à l'atelier. Hein, c'est-à-dire que on fournit le matériel, on fournit un peu le savoir-faire, mais c'est les personnes elles-mêmes qui doivent réparer leur vélo. On a des bénévoles, certes, hein, mais les bénévoles, ils ont beaucoup de travail déjà dans cet atelier vélo. Oui, c'est et puis elle est ouverte qu'un samedi sur deux. Enfin, maintenant, on tend à aller vers tous les samedis, mais ben, bien sûr, c'est difficile et ça ne peut se faire qu'à la belle saison, à partir du printemps jusqu'à l'automne, quand il ne fait pas trop froid, parce qu'il n'y a pas de moyen de chauffage dans ces locaux actuels. J'ajouterais à ça qu'on avait aussi demandé au Fonds européen, si c'était possible, par l'intermédiaire de la Comcom en particulier, par l'intermédiaire du CIVU, la construction d'un atelier vélo à Nol. On avait même fourni les plans, puisqu'on a parmi l'équipe des personnes qui sont capables de faire des plans de bâtiments. Donc un atelier vélo qui aurait pu se situer à Nol, commune de Le Syndicat, sur un terrain appartenant au CIVU. Et ça ne s'est pas fait jusqu'à présent. On est toujours dans l'expectative de ça. Puis on se demande si ça pourrait être obtenu un jour. Il y a des tas d'idées à Ballast, mais bien sûr, il n'y a pas les financements. Hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'on interroge les pouvoirs publics, les élus surtout, les communautés de communes, etc., pour pouvoir être financé. Et si on pouvait avoir des projets, par exemple, d'abri vélo, d'atelier vélo, eh bien, ça ne peut être qu'une collectivité qui finance ça, avec l'aide en particulier des fonds européens, c'est possible. Mais jusqu'à présent, notre projet à nous d'atelier vélo, de construction d'un atelier vélo, n'a pas recueilli l'assentiment. Il y avait d'autres urgences, en particulier la liaison entre est-montagne entre les deux voies vertes. Enfin, on dit toujours qu'il n'y a qu'une voie verte, mais en réalité, c'est des voies vertes qui vont de Cornimont à Remiremont et de Remiremont à Bussan. Et côté est, côté montagne, il n'y a pas de liaison entre les deux. Donc il y a depuis longtemps un projet de réunir, de faire un parcours par la forêt de Morbieu ou par Travexin. Il y avait eu plusieurs projets pour réunir ces deux voies vertes, en quelque sorte. Enfin, ces deux tronçons de voies vertes. Oui. Voilà, en gros, alors je peux vous parler du programme, si vous voulez. Eh bien, tu sais quoi, avant qu'on parle du programme de la journée et de toutes les choses qu'il y a à faire, j'ai envie de proposer la première pause musicale. Un morceau que tu as proposé, il s'appelle « La balade des marguerites » de Maxime Le Forestier. Ça me rappelle ma jeunesse, Maxime. Et bien, tu sais quoi, on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. J'ai connu le temps où coulent les enfances, tout doucement au début de la vie. Le temps de l'école, le temps de l'innocence, et du chagrin, et du bonheur aussi. J'ai laissé passer ce temps qui va trop vite, si j'ai tout vu pendant trop peu d'années. Je n'ai pas connu le temps des marguerites, feuillus sont nés, feuillus se sont fanés. Puis est arrivé le temps de mes ivresses, de mes alcools aux mauvais souvenirs. Et les yeux gonflés, le temps de la paresse, où l'on se tue à force de dormir. Et je suis resté en attendant la suite, dans cette vie de vide enrubannée. Je n'ai pas connu le temps des marguerites, feuillus sont nés, feuillus se sont fanés. J'ai connu le temps de la désespérance, où l'on s'enlise un peu plus chaque jour, où les yeux ouverts on attend de la chance, plus que la mort si ne vient pas l'amour. Que dans l'avenir on vante mes mérites, ne croyez pas ce que les gens diront. Je n'ai pas connu le temps des marguerites, feuillus naîtront, feuillus se faneront. Et voilà, c'était La balade des marguerites de Maxime Le Forestier, une version live bien entendu que vous avez écoutée. Parce que Michel, tu as choisi ce morceau, après tout il te rappelle ta jeunesse si j'ai bien compris. Bien sûr, et puis aussi bah, c'est... Ça avait l'air du temps, hein. Oui, c'est vrai. Hein, qui pousse en cette ce moment. Cette saison, non, en effet. C'est un texte plein de poésie, et donc où l'orchestration, au moins pour une fois, ne couvre pas la voix du chanteur. Oui. Du chanteur, du poète. T'as raison. Donc, on est là, je le rappelle, hein, pour parler de la fête du vélo organisée le 2 juin, toute la journée, hein, de 10h à 19h à Cornimont. Fête du vélo organisée principalement par l'association Ballast. Hein. Il va y avoir tout au long de la journée différentes animations, différentes choses à faire. Et il y aura aussi des choses tout au long de la journée. Michel, tu voulais, avant la pause musicale, nous détailler un petit peu le programme de la journée. Alors, quel est-il ? Alors, un programme qui va être à la fois light cette année, on pourrait dire, hein, pas trop chargé, parce que certaines années, on a fait un festival de la voix verte. Mais comme je le disais plus tôt, on n'a plus les moyens financiers et humains de faire ce type de programme. Hein. C'était vraiment énorme à préparer. Hein, et comme il y avait la gratuité, bien souvent, on a essuyé effectivement les pertes financières à la fin de l'année, ou même après avoir rempli notre mission de festival. Alors le programme de cette année va débuter à 10h du matin. Alors bien sûr, l'entrée est libre et gratuite, hein, il faut quand même le répéter. Le lieu exact, c'est l'arrivée de la voie verte à Cornimont. Il y aura forcément des stands, il y aura de la musique, et donc les gens pourront s'orienter facilement, puisque ça va être un peu dans l'enceinte des ateliers, justement, où est situé notre atelier vélo. Voilà, et donc à partir de 11h, on va voir Cabaroc en concert. Je vais le découvrir, parce que je ne le connais pas. Hein, je pense quand même que je suis assez mal placé pour en faire la publicité, parce que c'est un groupe que je ne connais pas, mais un groupe qui va se produire pour Ballast, et puis pour la plus grande joie, bien sûr, des personnes qui viendront à cette manifestation. En sachant bien qu'on souhaite, comme tous les ans, qu'il y ait un maximum de personnes qui viennent à vélo, hein, parce que c'est aussi la journée de la fête du vélo. Et donc c'est intéressant quand même de se rendre à cette fête-là, surtout si le temps le permet, je ne sais pas le temps qu'il va faire samedi, pour véritablement être dans l'ambiance. À partir de 12h, il y aura un repas africain, Mais alors, il est sur réservation. Hein. Je crois que les réservations vont être closes. Ah, vous pouvez toujours téléphoner quand même à Marivonne en particulier. C'est demain, je n'ai pas le numéro sous la main, mais si j'en ai un. À Marivonne, Anne, c'est la présidente, au 03 29 24 01 59. Voilà, si jamais vous voulez encore réserver un repas, il y a toujours possibilité. On est mercredi, mais c'est vrai que, bon, on va faire les achats pour ce repas africain, sénégalais, très exactement, vendredi. Donc, on pourra toujours ajuster au dernier moment. Mais ne tardez plus, surtout, si vous voulez donc avoir un repas qui est très mijoté par nos mamas africaines. Hein, qui viendront, je crois qu'elles sont quatre, si j'ai bonne mémoire, hein, qui vont venir donc préparer un repas dès le matin, parce que la cuisine africaine, c'est mijoté. Hein. Oui, ça prend beaucoup de temps. Je vous promets que ce n'est pas du micro-ondes. Donc, dès 8 heures du matin, elles seront à pied d'œuvre pour cuire ce poulet biazo. Hein, on appelle ça un poulet biazo, c'est-à-dire du poulet avec du riz, des aromates, etc. Voilà, et puis je ne sais pas si il y aura quelques pastels qui seront faits, et puis peut-être des boissons à base d'eucalyptus en particulier. Non, pas d'eucalyptus, d'hibiscus, pardon. Hibiscus, éventuellement. Enfin, tout n'est pas encore calé. Ce qu'il y a, c'est du poulet yassa. Pardon, je disais biazo tout à l'heure, c'est poulet yassa. Là, j'ai dérivé un peu, hein. Et puis une salade de fruits. Hein, donc le prix du repas, on peut l'annoncer, c'est 8 euros par adulte, hein, pour une assiette de poulet yassa, et puis une salade de fruits. Et 5 euros pour les enfants. Donc 28 mai, normalement, c'est la fin, mais je vous dis, bon, vous pouvez encore téléphoner. Ah oui, et puis un numéro de portable. Je l'oubliais, hein, j'ai donné le numéro de la présidente, de fixe. Autrement, il y a aussi deux numéros que les personnes peuvent encore appeler pour la réservation, mais dépêchez-vous. Alors 06 08 24 13 02 ou 06 74 88 33 98. Je les répète. Oui, si tu veux. Oui. Alors 06 08 24 13 02 ou 06 74 88 33 98. Et puis le numéro que j'ai donné tout à l'heure, hein, 03 29 24 01 59. Voilà donc pour ce repas africain. Hein, donc je rappelle, 8 euros l'adulte, 5 euros les enfants. Je crois que c'est un prix modique, hein, mais c'est pour couvrir les frais et puis éventuellement quand même donner quelque chose à nos cuisinières qui vont se dévouer pendant des heures et des heures, aussi bien le vendredi que le samedi pour vous servir donc ce repas mijoté, spécialité africaine. Voilà, à 13h30, on aura Face 2, Face en concert. Là encore, vous découvrirez, comme moi, parce que je connais mal, peut-être que Lou connaît. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ben, c'est le moment de découvrir. À 15h, il y aura un spectacle, le vélo de Marcelo, art du cirque des deux ans, des publics des deux ans, ça va être les arts du cirque. Hein, on sait bien, c'est un vélo spécifique pour faire des acrobaties. À 16h, il y aura des animations musicales avec Virginie Bégel. Ça, vous connaissez Virginie Bégel, bien sûr. Hein. On l'a invitée plusieurs fois derrière nos micros. Elle est très sympathique. Elle fait participer le public. Elle est formidable, Virginie. Vous pourrez la découvrir ou la redécouvrir donc, à l'occasion de cette journée du 2. Donc, les animations musicales. À 18h, une conférence à l'ECSP, l'espace culturel social pour du monde. Enfin, j'ai jamais véritablement. Hein, un petit coucou à ce cher Laurent qui dirige le CSP, qui nous a toujours donné un coup de main. Il est vraiment un partenaire de Ballast depuis le début, qu'on fait des actions, en particulier avec le Parc des Ballons. C'est le cas encore cette année. Alors, la conférence, c'est « Voyager à vélo ». 5 mois sur les pistes d'Amérique du Sud, Équateur, Pérou, Bolivie, Argentine et Chili. Animé par Luc Devore. Voilà, là encore, à découvrir, hein, parce que j'ai assisté récemment à... une soirée conférence sur le Kirghizistan hein, à vélo, oui. Hein, avec M. Claudon, que j'avais d'ailleurs invité aussi à la radio. Et c'est particulièrement intéressant quand même de voir la découverte, aussi bien la découverte des paysages que bien entendu les impressions de ceux qui ont fait de ces raids, j'allais dire, de ces parcours à vélo sur des distances qui sont très importantes, puisque là, on voit bien Équateur, Pérou, Bolivie, Argentine et Chili. Hein, c'est énorme. Hein. Oui. Ça représente des milliers de kilomètres en Amérique du Sud. Et voilà, oui, en effet. Ça mérite d'être découvert. Voilà, puis là... Alors, donc la journée se terminera sur cette conférence samedi soir. Alors, toute la journée, il va quand même y avoir des animations. Hein, il n'y a pas que ça, en alternance. L'atelier de réparation de vélos. Venez avec vos vélos. Bah oui, parce qu'il y aura des démonstrations, bien sûr. Hein. Et puis, je vais y revenir. Il y a eu aussi des stages qui ont été faits à l'initiative de Ballast, financée par le Parc des Ballons. Je vais en donner quelques mots, parce que ça s'est déroulé depuis déjà la mi-avril. Et ça continue. Ça continuera le soir, donc, avec l'atelier de réparation de vélos. Enfin, toute la journée, pardon. Et venez avec vos vélos s'ils ont besoin d'être réparés. On vous montrera notre savoir-faire. Alors, il y aura des jeux, des ateliers et des vélos à gagner. Alors, bien sûr, c'est des vélos recyclés. Hein. Les vélos, alors, bien sûr, ordinairement, on les vend entre 10 et 30, 40 euros, hein, suivant le matériel qui était mis dessus. C'est-à-dire, ce n'est pas pour faire du bénéfice à l'association Ballast, c'est tout simplement pour pouvoir recycler des vélos et puis offrir à des personnes qui n'ont pas forcément des faibles moyens d'acheter des vélos qui sont en état, quoi, oui. Qui sont en état de rouler. Et puis alors, on a quand même une surprise depuis plusieurs années, c'est que souvent, c'est des gens de Strasbourg ou d'ailleurs qui viennent chercher des vélos à l'atelier, des vélos recyclés à l'atelier. Ah bon. Parce qu'ils disent, de toute façon, on va vous acheter des vélos pas chers, parce qu'on sait très bien qu'on s'y fera piquer, qu'on s'y fera vandaliser. Alors donc, ça ne vaut pas le coup d'acheter des beaux vélos. Et si on veut circuler en ville, on prend vos vélos. Ils sont costauds, c'est principal, ils sont en état, on roule avec, et puis le temps qu'on peut rouler avec, le temps qu'effectivement on continuera à les avoir sous la main. Voilà, alors il y aura aussi de la restauration sucrée, des sandwichs, et puis la buvette bien entendu, hein, et puis une possibilité de pique-nique sur place, bien évidemment, hein, puisque à l'arrivée de la Voie Verte, pas si vous connaissez l'arrivée de la Voie Verte à Cournimont, il y a quand même des tables, il y a quand même des endroits où on peut pique-niquer. Et puis on aura quand même, je pense qu'on aura une bâche, quoi. Il y aura quand même des stands, tout ça, on pourra se réfugier en cas de pluie. Voilà, il y a de l'animation avec vélo générateur d'électricité. Alors ça, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus souvent, c'est-à-dire démontrer comment qu'on peut faire de l'énergie en pédalant. Ah oui. Hein, non seulement se déplacer, se promener, découvrir les paysages, mais aussi générer de l'électricité. Voilà. Et puis, il y a un circuit ludique de prévention routière qui sont pour les jeunes, qui est intéressant. Qui est intéressant aussi, et c'est tout dans l'après-midi. Or, bien sûr, il faut jongler entre ces différentes manifestations si on veut tout voir, tout participer à toutes ces manifestations qui vont... Je rappelle commencer à 10h du matin et se terminer après 18h à l'extrémité de la conférence à l'EEC. Le CSP, enfin, le Centre culturel de Cournimont, c'est plus facile de le dire. Oui, en effet. Hein, mais là, c'est dans une salle. Le CSP, ce n'est pas en plein air, hein, bien sûr, parce qu'il y aura certainement de la vidéo. Des projections, et donc c'est à, on va dire depuis la Voie Verte, c'est à 500 mètres, hein, c'est pas très loin. Et puis si jamais il pleut, ça permettra pas mal de personnes de se réfugier dans une salle accueillante. Oui, voilà à peu près pour le programme. Alors, je vais encore peut-être une pause musicale. Si, c'est ce que j'allais proposer. Autrement, la il faut deuxième. Quand même que je parle de cet atelier vélo. Et puis bien sûr, des stages qui ont été sponsorisés par Cody Ballon. Eh bien, tu sais quoi ? On va en parler juste après la deuxième pause musicale. On va rester dans le thème. Après tout, ça va être la fête du vélo. Je pense que les auditeurs commencent à connaître mon amour du groupe Queen. Donc, c'est le morceau Bicycle Race. Hein. C'était prévisible après tout. On s'écoute ça et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. Bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bark, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God. Give me a choice. Say Lord. I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is Bicycle Race de Queen, bien évidemment vous l'avez reconnu, vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups, et toujours pour parler de vélo bien entendu, vu que Michel est venu pour représenter l'association Ballast, association qui a entre autres à l'origine du projet de la Voie Verte, et ils organisent ce week-end, hein, le samedi 2 juin, toute la journée de 10h à 19h, une fête du vélo avec des animations, de la restauration, des concerts, des spectacles. Enfin voilà. Donc Michel, tu nous as en première partie d'émission parlé un petit peu des origines et des différentes activités qu'organise l'association Ballast. En deuxième partie d'émission, on a parlé de toutes les animations qu'il y aura, mais c'est vrai que tu as annoncé avant que je passe à la pause musicale suivante que tu voulais revenir en détail sur deux, trois petites choses, dont l'atelier de réparation de vélo. Alors, qu'as-tu à nous dire de plus sur cet atelier déjà ? Alors, comme je le disais en début de cette émission, nous avons été primés par le Parc des Ballons sur le thème « Partageons nos savoir-faire ». Alors, les objectifs de notre projet à nous, pour partageant les savoir-faire, c'était faire partager le savoir réparer son vélo. Et c'était promouvoir, bien sûr, notre atelier, et peut-être l'inscrire dans le réseau national des heureux cycleurs, parce qu'ils existent, et oui, les heureux cycleurs. Apprendre le vélo et le code de la route aux enfants, ça paraît anodin, mais je crois que c'est quand même indispensable. Promouvoir la pratique du vélo, mais ça c'est depuis pratiquement la création de Ballast, hein, qu'on a voulu promouvoir la pratique du vélo. Encore aujourd'hui, on voudrait justement qu'il y ait suffisamment d'équipements pour permettre la pratique du vélo. Hein, parce que bien souvent, là, il y a la voie verte bien sûr, et la voie verte est très utilisée, surtout par période de beau temps. On le voit par exemple en ce moment, les week-ends, hein, ou même les vendredis soirs. Par contre, comment qu'on accède à la voie verte? Comment qu'en ville, dans les villages, on peut rouler? Quel équipement qu'il faut mettre en place, hein, ne serait-ce que pour garer son vélo? Ça paraît tout bête, mais on a fait toute une campagne d'information là-dessus. On a été suivi par quelques commerçants, par quelques municipalités. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais nous renouvelons sans arrêt. Il faut aussi qu'il y ait des aires de covoiturage, avec bien sûr un endroit pour parquer son vélo. Ça peut être intéressant, hein, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le carburant coûte de plus en plus cher. On va avoir très prochainement de nouvelles normes, hein, par rapport aux automobiles. En particulier sur les contrôles techniques, et donc on peut craindre effectivement que nos concitoyens aient de plus en plus de mal de circuler en voiture, hein. Et puis c'est quand même un prix de revient phénoménal, alors qu'on voit quand même de nombreux automobilistes se diriger vers Remiremont, par exemple, pour citer comme point le matin, ou vers Épinal, dans une seule voiture. Hein, c'est aussi favoriser pour nous le covoiturage, et pourquoi pas se rendre à l'aire de covoiturage en vélo. Hein, il y a le vélo loisir, il y a le vélo aujourd'hui loisir électrique, j'allais dire, parce qu'il y a quand même une vulgarisation du vélo électrique. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des vélos électriques. Ça vaut le coup quand même de promouvoir de plus en plus une culture vélo, comme existe par exemple aux Pays-Bas, mais pas seulement. Hein, nos voisins allemands aussi, oui, ont développé véritablement une culture vélo. Oui, c'est vrai. Une culture vélo, on se déplace en vélo, en ville, mais pas seulement en ville, c'est pour aller, pour se rendre à son travail, pour etc. Et je crois que là, on a beaucoup de retard dans cette culture vélo, hein, dans la promotion de cette culture vélo. Je crois que Ballast, on le veut. Et donc, et puis bien sûr, c'est lutter aussi contre le gaspillage par la récupération et la réparation de vélos. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, si vous allez à la déchetterie, enfin, j'espère que vous y allez de temps en temps, hein, on voit des vélos presque neufs qui sont balancés à la poubelle, hein, dans les bennes. Et donc, on trouve que c'est du gâchis. Il faut véritablement qu'on puisse recycler ces vélos et puis les remettre en circulation. Parce que la plupart du temps, ils ont peu de réparations. Hein. Ils ont simplement une roue cassée, une roue à vide, comme on dit, ou simplement des freins qui sont défectueux et ils partent à la poubelle. Donc c'est apprendre à la fois aux personnes à réparer leur vélo, mais aussi à recycler des vélos. Voilà, donc, dans le projet du Parc des Ballons, dans lequel on s'inscrit, on avait déjà les 27, 28... avril et le 16 mai, des journées de formation, la réparation des vélos, avec Nicolas Liebeau. Alors, c'est notre partenaire. Hein, il est c'est nous qui le payons, en quelque sorte, parce qu'il faut bien qu'il vive, lui aussi, hein, pour démontrer un petit peu comment qu'on peut réparer des vélos, avec quand même un minimum de matériel, et puis toutes les astuces qui sont liées, justement, à ces réparations. Hein, en sachant bien que Nicolas Liebeau, par exemple, au cours de ses stages, mettait l'accent quand même sur le fait que les vélos d'aujourd'hui, ceux qu'on achète dans les grandes surfaces, la plupart du temps, sont de moins en moins solides et ils durent de moins en moins longtemps. Donc, d'où l'intérêt de recycler des vélos qui sont déjà de l'âge, mais qui sont beaucoup plus robustes que ceux qu'on trouve sur le marché. Mais bien sûr, les prix ont diminué nettement. Hein, on peut avoir un vélo pour... pour quelques, pour une centaine d'euros, un truc comme ça, mais bien sûr, la solidité n'est pas vraiment au goût du jour. Hein, et donc c'est des vélos que l'on peut recycler, certes, mais qui n'ont pas peut-être la solidité nécessaire pour durer bien longtemps. Voilà, le 17 mai, il y avait une formation à la réparation, toujours avec Nicolas Liébo, mais pour une classe d'élèves du CM1. On les a pris jeunes, n'est-ce oui, pas ah ben. Dès le CM1, c'était intéressant. Il y a, bon, c'est découvert un petit peu par les médias locaux quand même, hein, c'est un lieu de réparation, mais on tient quand même à faire un peu le bilan, et puis à vulgariser, pour vulgariser aussi notre atelier de réparation, et puis donc le savoir-faire qui va être acquis par des tas de personnes qui pourront venir nous aider ou simplement venir réparer leur vélo aujourd'hui. Hein, parce que je crois quand même que même s'il s'agit de réparation de vélo, il faut un certain savoir-faire, il faut le valoriser, il faut quand même le développer. Hein, c'est sûr qu'on ne répare pas un pédalier, des freins, aussi facilement que cela. Non, mais ça s'apprend. Je me permets quand même de dire que je vis avec un cycliste. Et donc, il a appris à réparer aussi beaucoup, beaucoup de choses tout seul. Donc, je pense que c'est tout à fait possible, en apprenant, bien entendu, de réparer son vélo soi-même pour la grande majorité des problèmes qu'il pourrait avoir. Je pense que c'est important de le souligner. Ah oui. Oui, c'est déjà développer des savoir-faire et puis les partager. Hein, partageant de savoir-faire, c'était bien l'intitulé donc du parc des ballons pour ce financement, pour cet appel à projet qui est aujourd'hui donc dans sa phase de finalisation puisque l'apothéose ça va être cette journée du 2 juin et puis il y aura l'expo vente de vélos bien sûr hein, le 2 juin, j'ai oublié de le rappeler. Circuit vélo, etc. Voilà à peu près le programme. Il est particulièrement chargé sur une journée seulement. Alors, bien sûr, comme on dit couramment dans les associations, avec une activité de plein air, ben, on a déjà commandé du beau temps. Je ne sais pas si ça va être le cas parce qu'on est parti dans un cycle d'orage ce printemps et on ne sait pas quand est-ce qu'il finira. Je croise quand même les doigts pour toi. Et même pour vous, pour l'association Ballast et tous ceux qui vont. Il faut espérer qu'on ait une grande éclaircie de 10h du matin à 18h au moins, puisqu'à 18h on sera à l'abri. Hein, ou du moins que si à l'inverse ça ne dure pas trop longtemps. Hein, on a eu des fêtes du vélo, des festivals de la voie verte où on a eu un temps excellent, d'autres on était arrosés. On a eu un peu de tout. Hein, mais c'est bien évident aussi que si la pluie se met de la partie, vraiment le mauvais temps se met de la partie, c'est encore la certitude d'un petit déficit qui risque de tomber dessus, quoi, parce que évidemment, si le public participe, il y a la buvette qui permet de couvrir les frais, les repas, etc., qui sont offerts. Ça permet quand même de compenser les frais qu'on a par ailleurs, qui ne seraient pas compensés par la prime du parc des ballons. En effet, voilà ce qu'on peut dire. Et on invite bien sûr tous les auditeurs d'RGM à venir nombreux à cette fête du vélo à Cornimont. Oui, croyez-moi, il y a de l'ambiance. Hein. Ils sont invités à venir à bicyclette et c'est même le titre de la troisième et dernière pause musicale qu'on va se passer. Un morceau de Yves Montand. Donc on s'écoute à bicyclette et on se retrouve juste après. Merci sur Radio Gémozo. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette. Réduction des déchets, ouverture vers un autre monde via le vélo. Ouverture culturelle, le vélo est plus qu'un simple moyen de transport. C'est un moyen de se réunir en communauté pour passer une belle journée. Ce sera l'occasion de le faire le 2 juin, toute la journée, pour la fête du vélo à Cornimont, à l'entrée de la Voie Verte. Et c'est ce pourquoi, toi Michel, tu es là avec moi ce soir. Mais juste une chose, j'ai une petite blague concernant la pause musicale que nous avons écoutée, donc le morceau « À bicyclette » de Yves Montand. Enfin, une blague, j'ai pas vraiment de devinette, mais c'est une histoire drôle. En fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui passe son permis de conduire. Et est-ce que tu sais comment il a compris qu'il n'avait pas eu son permis ? Ah non. Eh bien, simplement, l'examinateur lui a chanté le morceau « À bicyclette ». Ah bon ? D'accord. Alors, tout veut. On retrouve bien Yves Montand, cette chanson qui est éternelle, j'allais dire. Oui, en parce effet. Parce que date de 40 ans, 50 ans en arrière. Oh, ça va, c'est pas encore si vieux. 50 ans en arrière, on va pas... C'est de la nostalgie. Oui, aussi. En effet. Mais c'est toujours d'actualité. Mais voilà, tu es toujours là de l'association Ballast pour parler de la fête du vélo. Et tu voulais faire un point sur les partenaires. Les partenaires, parce que bien sûr, ça ne peut, une fête ne peut se dérouler quand ça coûte des sous, bien sûr. Et donc, qu'avec des partenaires, il y a bien sûr l'association Ballast qui organise, hein, c'est nous. Il y a le CSP de Cornimont qui nous donne quand même un support administratif qui est très intéressant et qui va organiser la conférence des 5 mois sur les pistes en vélo, sur les pistes d'Amérique du Sud. Il y a la commune de Cornimont, et puis qui nous prête les locaux pour l'atelier vélo, bien sûr, et puis qui nous aide à organiser cette fête. Il y a le CIVU de la Voie Verte des Hauts-de-Vosges. Je ne sais plus si on l'appelle CIVU encore maintenant, mais enfin, c'est un syndicat intercommunal qui nous finance également. Il y a les Petits Counets, c'est une association de Cornimont qui va participer à la fête. Il y a le Parc des Ballons, évidemment, puisque je l'ai cité plusieurs fois, c'est bien quand même entendu. Lui qui finance pas tellement cette journée, mais qui finance tout ce partageant de savoir-faire, donc l'atelier vélo et donc les démonstrations qui vont être faites en cours de cette fête. Et puis, il y a le Parc des Ballons, bien sûr, mais il y a aussi la CAF, la Caisse d'allocation familiale, qui nous donne une petite subvention également, parce qu'on s'occupe, bien sûr, des activités enfants, puisque, comme je le disais tout à l'heure, il y a même la découverte de l'atelier vélo, la possibilité de réparer ses vélos dès le CM. Voilà. Je crois qu'on a... crois que j'ai plus rien à dire. Sinon, vous dire, bah, venez, venez vous, bah, vous amuser. Hein, oui, aussi, venez tout simplement vous amuser. Venez donc, partager, je rappelle, venez vous amuser, ça sera intéressant. Oui, je rappelle peut-être rapidement le programme pour les auditeurs qui ont pris le train en cours de route, hein, même si le train va arriver à destination. L'endroit est merveilleux à l'arrivée de la Voie Verte, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un endroit merveilleux. Bah, s'il fait beau, bien sûr. Oui, oui. Donc, s'il pleut, on fermera les yeux. Donc la journée commence à 10h. Hein, l'entrée est bien entendu libre, comme tu l'as dit. À 11h, il y a un concert du groupe Kabarok. Puis à midi, un repas africain qui est fait sur réservation. Mais vous pouvez toujours réserver au 06 08 24 13 02 ou au 06 74 88 33 98. Le prix est de 8€ pour un adulte et 5€ pour un enfant. Et c'est un repas africain et je précise, c'est il pas faut se dépêcher parce que ça va être clos. Hein, mais surtout, je le rappelle parce que bon, il y a quand même des personnes que ça intéresse, ce n'est pas végétarien. Mais après, j'imagine qu'il y a aussi, bah, pour ceux qui ne veulent pas manger de viande, hein, il y a déjà la possibilité d'emmener son repas. Puis à 13h30, il y a un concert de Face de Face. À 15h, un spectacle, le vélo de Marcello. Puis à 16h, une animation musicale avec Virginie Bégel. Et enfin, à 18h, une conférence à l'ECSP, l'Espace culturel et social de la Pranzière de Cornimont. Et la conférence s'intitule « Voyager à vélo ». Donc, c'est 5 mois sur les pistes d'Amérique du Sud, Équateur, Pérou, Bolivie, Argentine et Chili, animé par Luc Devore. Et tout au long de la journée, hein, il y aura bien entendu un atelier de réparation de vélos, parce que je le rappelle, l'association Ballast a aussi un atelier qui est ouvert tous les samedis. Il y a aussi tout au long de la journée des jeux, des ateliers, des vélos à gagner, des vélos bien entendu réparés, recyclés, hein, pas des vélos neufs. Il y a aussi la possibilité de se restaurer, donc manger sucré, des sandwichs, de boire, et je le rappelle encore une fois, possibilité... Et il y a de la bière, hein, mais à consommer avec modération. En effet, il y aura aussi des animations avec les vélos pour générer de l'énergie. Bien entendu, là, on est un peu dans l'écologie. C'est une thématique qui devient de plus en plus préoccupante de nos jours. Et aussi, pour les plus jeunes, un circuit ludique de prévention routière. Parce qu'après tout, rouler à vélo, c'est parfois emprunter les routes. Donc, c'est connaître les risques et aussi les réalités du code de la route. Enfin, voilà, je pense que j'ai un petit peu... résumer tout ce qu'il y avait à dire, Michel, j'espère que ça te convient. Ah, merci Lou, merci de m'avoir invité. Ah bah merci à toi d'avoir répondu présent. Et avant qu'on se quitte, je fais bien entendu le programme de la soirée. Comme on est mercredi, il y a la rediffusion de l'émission de Mosaïque avec François. L'émission suivante, hein, ce sera la mienne, ce sera jeudi matin de 7h à 8h, suivi, Michel, de ta chronique et enfin de la matinale de Marion. On se retrouvera demain, donc jeudi, avec le Centre des Tronches de Saint-Étienne-Lermiremont. On va parler jardinage, on va parler respect de l'environnement, mais en attendant, hein, on se retrouvera demain. Pour en savoir plus, bien entendu. Alors Michel, merci beaucoup d'avoir répondu présent. Pour l'émission, hein, pour avoir tenu les auditeurs au courant de cette fête du vélo, je rappelle, toute la journée du 2 juin. Merci beaucoup de ta participation. Et puis aux auditeurs, rendez-vous demain même heure sur Radio Gémozo. Et merci de votre attention.